Ok, PO7, Jaco, Steco, Triant de la galère, 9295. Ok, ça vend des rébaptises et ça se prend pour des grossistes. Pas besoin des mathématiques pour être grossiste. Si c'est POZ, je te répète, c'est POZ. Oh, j'rappe, j'reste ghetto, j'rappe pour tous les ghettos. Pour ceux qui se lèvent tôt, qui charbonnent, qui sucent pas. Baise avec une vodka, mais fais belle si tu regardes. Toujours en place, vodka et shit, ça polosse dans les quartiers chics. Les miens s'agitent quand ça parle de biche, de fric et de cric. Trop d'MC dans le rap me faut collerie. Avec leurs clics et leurs clips, on les appelle les comiques. J'lève mon majeur pour les flics, j'te m'en une pour les belles filles. Et grand, les petits grandissent trop vite, c'est devenu la loi du plus fort. On vient mettre tout le monde d'accord. J'dis pas qu'on est les plus forts, mais on fait du bon son hardcore. Du 9-2 au 9-5, tous les jours ça galère. On serre les coudes, on joue pas les gangsters. J'avance avec ma paire de chocs, c'est ma casquette la coste. T'as plus sur la tête, j'reste ghetto, respecte ou j'te boxe. Si tu suces, faut t'assumes, salope. Les gens ont les gros salopes, y'a que des salons qui te retournent le cerveau pour ta. Trop ghetto, rien que ça braille, rien que ça braque. Trop ghetto, ça défouraille. Sur la BAC 92, sur la plaque. Trop ghetto, au sol, menotté, on nous plaque. Trop ghetto, comme du shit dans le slip. Trop ghetto, youth, des hygiènes, ghetto youth. Pas de slip, sale flic, Nadine, bébé, drive by. Ça fait bim, bim, et on se dit bye bye. Steco va te plier, va te piner. Trop ghetto, je ferai tout pour les plier. Trop ghetto, trop vénère, reste poli. Rapide comme un broly, tu parles un broly. Trop ghetto, j'mets des claques à ta clique. Prends ta meuf, j'la ken sur mon clic-clac. Trop ghetto, comme nos dégaines. Comme nos gueules, comme nos gun. Trop ghetto, Steco dans la street. Trop ghetto, comme le daron, j'suis trop street. Trop ghetto, j'pèse les képis. Trop ghetto, si j'te tape, tu repars d'ici en béquille. Trop ghetto, quand la nuit tombe. Trop ghetto, comme un flic dans sa tombe. Trop ghetto, quand on parle. Trop ghetto, quand on parle. Trop ghetto, quand on baffe. C'est pas trop ghetto, quand un mec fait du violon. C'est trop ghetto, trop de ghetto. De la façon comment on parle, on est trop de ghetto. Chez nous, y'a pas Tony Montana. Mec des 15, bébé baisé du cerveau. On manie les deux roues comme des nimbos. On baisse Argo et son assos Colombo. Roule, roule un bon joint de pédo. Et fais kiffer le son dans ton putain de merco. C'est pour mes roros du ghetto qui font bibi du roro. Nique les javets, les roroto. On squatte tous les fécas. On joue au tiers et au loto. Dans nos ghettos, les petits rêves volent des vélos. Pendant que les grands font des doublés de moto et dodo. Appelle-moi Zaef Roya, celui qui baisse l'état. Et la musique de David Guetta. Du 9-5 jusqu'au 9-2. C'est pour nos ailes qu'on baisse les feux que. Trop ghetto même dans les papiers. On squatte les hautes salles en bas de la cité. On nique les keufs, le pape et David Douillet. C'est nos douilles que tu vas goûter. On squatte le stud C4 avec tous mes associés. Nique les putes qui squattent toute la journée aux Champs-Élysées. J'ai la rage et les douilles, j'ai la rage et les douilles. Morsaï créant de la galère, nique les jalouses. J'ai 4 meufs et 3 voitures. J'roule sans permis, sans assurance, nique la France, frère, j'm'en bats les couilles si t'aimes pas mon son. J'te redestine ta face sur du papier canson. Bon, là j'arrête de rapper, la mort ça il arrête, tu n'en as marre. Bon, dédicace à la compile à mon tour. Déjà, dédicace à Bozo, dédicace à ZRF, dédicace à Jaco, dédicace à C4. De toute façon, tout le monde sait qu'on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nique la hnouche, nique la chnouche. Trop de haine dans le quartier. Fuck les marabouts qui nous ont ensorcelés à 16 piges déjà. J'suis là pour kicker un seul la balle. On se croirait dans un carnaval, t'es en cavale. Car un vidéo je te fais l'art. Fuck le mitard et son équipe de bâtards. Séquestration dans la cave, ça pleurait et nous ça se tapait des bars. On reste ghetto, c'est un truc de fou, ça fait du bis pour se faire des sous. Clichy la garenne, on entend trop en ce moment. On reste ghetto pour les amis, pour la famille, pour les mecs la Tessie. Moi j'suis un ghetto youth. T'es pas content, j'te shoot. La France faut la brûler. Faut arrêter de parler. Chili recrue de la rue, c'est la relève. J'couche quand le soleil se lève. Mauvais élève, toujours nord quand faut faire des lobes. J'reste ghetto sur le périph' à esquiver les shérifs. J'kiffe quand Tarakli m'appelle chéri. Ghetto 93, la France on la baisse. Cheyenne 92, 20ème, toujours chaud comme la presse. Ghetto inspiré par l'odeur de la RIA. Chili pif, tif, viens faire du pif, pif. Pour la mif, pour ça que je viserte la bande blanche pour que tu sniffes. Automatique, comme je grattais les couilles en cartable. Je suis rodaf, comme un téléphone planqué au carrelage. Cousin, braquage chez nous, t'inquiète, placez-nous. Je sais que tu sais, t'inquiète, la rue c'est nous.